Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur Radio Guimauzo 107 FM. Nous sommes le lundi 19 avril 2021, il est un peu plus de 14h, il est 14h01. Nous sommes ensemble jusqu'à 15h, nous sommes en direct, c'est Chris et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle édition de votre émission quotidienne proposée par Radio Guimauzo intitulée Fréquence Libre. Comme d'habitude, s'il y a des nouveaux ou des nouvelles qui nous rejoignent, aujourd'hui je rappelle le principe, il est très simple, comme chaque lundi, chaque mardi et chaque mercredi, où je reçois une ou un invité, je reçois aujourd'hui par téléphone une invitée pour qu'elle puisse nous parler de ce qu'elle fait, que ce soit au niveau du métier, des passions ou autre. Et aujourd'hui, c'est Delphine Aubry qui est avec nous pour nous parler de ses créations en papier mâché, mais aussi de ses illustrations. Bonjour Delphine. Bonjour. Comment ça va ? Bien, vous ? Ça va bien, merci. Donc tout d'abord, nos auditrices et nos auditeurs sont habitués désormais. Je pose toujours cette même première question à mes invités afin qu'ils et elles puissent les connaître davantage. Pouvez-vous vous présenter en quelques mots ? Oui, alors je suis graphiste et plasticienne. Je fais ça depuis une vingtaine d'années dans le département des Vosges, entre Épinal et Bruyères. Voilà. D'accord. On va détailler tout ça tout au long de cette heure d'émission. Mm-hmm. Donc, comme annoncé en introduction, nous sommes ici pour parler de vos créations en papier mâché et de vos illustrations. Donc, depuis combien de temps faites-vous des créations en papier mâché et des illustrations ? Alors, en fait, j'ai fait les Beaux-Arts à Épinal et j'en suis sortie en 97. Donc, ça fait un peu plus d'une vingtaine d'années. Donc, à la base, j'étais illustratrice. Je faisais absolument pas de papier mâché. Et le papier mâché est venu un petit peu plus tard, quelques années après. Mais grosso modo, ça fait une vingtaine d'années également. D'accord. Donc, comme vous venez de le dire, à la base, vous étiez juste graphiste. Mais donc, qu'est-ce qui vous a donné envie de vous diriger dans le domaine du papier mâché ? Alors, en fait, j'ai fait des illustrations pour des livres jeunesse aux éditions du Rouergue, qui ont été publiés, et pour promouvoir le livre, j'avais été invitée à faire des dédicaces dans différentes librairies, et du coup, un de mes livres s'appelait Bikini, et c'était une cochonne qui essayait différents en maillot de bain. Et du coup, pour agrémenter en fait la vitrine de la librairie, je m'étais dit que ça aurait été rigolo d'avoir cette cochonne, mais en volume, en 3D, avec ses différents maillots de bain, et je me suis mise à en fabriquer en papier mâché, mais pour le coup, c'était vraiment pour cet événement ponctuel, et pas du tout pour en faire après. Mais les personnes qui sont venues à la dédicace ce jour-là, ça leur a tellement plu que j'ai fait toute une collection de maillots de bain, et puis après, de fil en aiguille, j'ai fait toutes sortes de bestioles en papier mâché. D'accord. Donc justement, pour faire ce papier mâché, avez-vous pris des cours plutôt ? Là, j'étais déjà sur la question d'après. Avez-vous pris des cours ou avez-vous tout appris en autodidacte ? Alors non, j'ai tout appris en autodidacte. D'ailleurs, je ne sais pas si ma technique existe vraiment, si elle s'apprend en fait. C'est une technique toute simple, le papier mâché, les enfants en font depuis l'école maternelle, on trempe du papier dans de la colle, et avec l'amidon qui est dans la colle, en séchant ça durcit, et puis on peut créer des choses en volume, donc je me suis dit que c'était pas très compliqué à faire, pas très onéreux non plus, donc j'ai essayé à ma manière, en faisant des structures solides à mettre en dessous, donc soit en carton, soit en fil de fer, et en venant mettre mon papier mâché par-dessus. Mais voilà, j'ai pas appris. J'ai fait les Beaux-Arts, donc j'ai une pratique artistique, plastique, que je travaille au quotidien. Mais le papier mâché, non, ça, j'avais pas appris la technique. D'accord, très bien. Donc là, justement, je vais pouvoir aller dans la question juste après je m'étais emmêlé les pinceaux. Donc, quel a été vous l'avez déjà un petit peu dit, mais si vous pouvez développer un petit peu, quel a été votre parcours scolaire et professionnel ? Alors, en fait, j'ai fait toutes mes études, scolarité à Épinal, et donc j'ai fait les Beaux-Arts pendant 5 années à l'école de l'image. Ça s'appelait l'école de l'image, maintenant ça s'appelle l'ESAL, l'École nationale supérieure d'art. Et donc à l'époque, on avait 5 années de cursus avec 2 diplômes, un DNAP, puis un DNSEP, diplôme supérieur d'éducation en plastique. Et voilà, j'ai appris plein de techniques parce qu'au Beaux-Arts, on apprend à dessiner, mais on apprend aussi la gravure, la sérigraphie, la peinture, pour pouvoir justement choisir dans toutes ces techniques celle qui nous correspond le mieux. Et voilà, et en fait, moi je me suis orientée au fil de ces années d'apprentissage vers le dessin et l'illustration plutôt jeunesse. Et donc, au sortir de l'école, comme je faisais déjà des petits livres en étant étudiante, que je distribuais, que j'imprimais par mes propres moyens, en sérigraphie la plupart du temps, donc au sortir de l'école, j'ai été contactée par les éditions du Rouergue, et là j'ai fait plusieurs livres illustrés pour les enfants. D'accord, oui, donc l'illustration, tout ça, ça a vraiment toujours fait partie de votre vie, du coup. Oui, oui, oui. D'accord. Donc du coup, maintenant, nous allons pouvoir entrer un peu plus dans le vif du sujet avec vos créations en papier mâché et vos illustrations. Donc, il me semble avoir vu, vous m'avez même dit par mail, que vous appelez vos créations les bestioles. Donc, pourquoi ce nom, les bestioles? Alors, en fait, ça, c'est pareil. Assez rapidement, donc au début, ça, on apprend à dessiner des tas de choses. On a des cours avec des modèles vivants, on apprend à dessiner des objets pour travailler son dessin. Mais moi, assez rapidement, j'ai dessiné des animaux parce que je trouvais ça plus varié, j'aimais bien ce côté satirique aussi de parler des êtres humains, mais en le faisant par le biais d'animaux, un peu comme l'a fait La Fontaine, ça permet d'apporter avec de l'humour une sorte de critique sur nos compatriotes. Et en fait, j'ai toujours dessiné des animaux, et naturellement, j'ai mis en relief aussi des animaux. Et du coup, je les ai appelés les bestioles. D'accord, tout simplement. Voilà. Donc, justement, est-ce que vous ne faites que des créations d'animaux, ou est-ce qu'il vous arrive de faire d'autres créations, de traiter, on va dire, d'autres sujets de création? Alors, en fait, j'ai mon travail personnel, et puis j'ai un travail aussi de commande pour un certain nombre de clients. Alors, autant en illustration, je peux dessiner toutes sortes de choses, même des êtres humains ou des objets, ou enfin, peu importe, toutes sortes de choses. Par contre, pour le volume en papier mâché, non, je reste vraiment dans le thème animalier. Quelquefois, il y a des drôles de bestioles. Il peut y avoir des espèces de mutants, de monstres, de bêtes qui n'existent pas. Mais en tout cas, pas de choses trop réalistes. Hein. En tout cas, pas en dehors du domaine animalier. D'accord. D'ailleurs, vous parliez justement un peu plus tôt que quand vous étiez étudiante, vous vous amusiez à imprimer des livres que vous faisiez et que vous distribuiez aux autres. Donc, mais actuellement, est-ce que vous avez déjà réalisé un ouvrage actuellement, on va dire, à titre personnel et non pas pour une maison d'édition? Alors oui, en fait, mes bestioles, je les expose chaque année. D'accord. Je travaille sur une thématique et donc j'ai une exposition annuelle. Et depuis quelques années, j'ai créé les éditions des bestioles en lien avec mes expositions. Et à chaque exposition, il y a un livre qui sort et qui est en parallèle. Par exemple, il y a eu Chachacha, il y a eu Ouaf, un livre sur une expo avec des chiens. Prochainement, je suis en train d'en travailler un sur les comportements, les parades nuptiales des animaux. Donc oui, il y a toujours un livre, en moyenne un par an, qui est en lien avec mon travail de l'année. D'accord. Donc vous l'avez dit, vous avez créé la maison d'édition donc des bestioles, du coup. Mais est-ce que dans cette maison d'édition, vous êtes la seule, on va dire, auteur, ou est-ce que vous accueillez d'autres auteurs ou autrices dans le même style que vous? Alors non, parce que c'est de l'auto-édition. En fait, je finance complètement la réalisation, l'impression, la distribution des livres. Donc du coup, je le fais uniquement pour moi, très égoïstement. C'est juste pour les bestioles. D'accord, donc c'est de l'auto-édition, mais c'est une auto-édition qui a un nom, donc du coup, l'édition des bestioles. Voilà, c'est ça. D'accord, très bien. Donc il est 14h, presque 11. Avant de poursuivre et d'aller un peu plus loin dans cette émission, je vous propose de nous lancer dans une première fréquence, comme j'aime à l'appeler, dans une première pause musicale que vous avez choisie, et que nous écoutions une chanson de Dominique A et son titre Le Courage des Oiseaux. Donc, pour donner un petit peu les références, comme j'aime bien faire, ce titre est tiré de son 33 tours autoproduit, intitulé Un disque sourd, sorti en 1991 avec une réédition de l'album, réalisée en 2012. Et ce titre, justement, Le Courage des Oiseaux, est le premier titre de l'album. Donc voilà, je pense qu'on n'est pas trop mal au niveau des références. Donc on écoute Dominique A et son titre Le Courage des Oiseaux. Et on se retrouve juste après, d'ici un peu plus de 2 minutes 30. Donc à tout de suite. Cette histoire finit mal. On n'imagine jamais très bien qu'une histoire puisse finir si mal quand elle a commencé si bien. On imagine pourtant très bien voir un jour les raisons d'aimer perdues quelque part dans le temps. Mille tristesses découlent de l'instant. Alors, qui sait ce qui nous passe en tête? Peut-être finissons-nous par nous lasser. Si seulement nous avions le courage des oiseaux qui chantent dans le vent glacé. Retour sur Radio Guémozo, vous êtes toujours en direct. Vous nous écoutez sur le 107 FM localement ou sur nos applications Radio Line pardon, ou Orange Radio partout en France. Il est 14h14, vous venez d'écouter Dominique A et son titre Le Courage des Oiseaux. Vous nous écoutez peut-être chez vous, au travail ou encore sur la route. Si c'est le cas, évidemment, soyez prudents. Nous sommes toujours en compagnie au téléphone de Delphine Aubry qui est là pour nous parler de ses créations en papier mâché et de ses illustrations. Ça va toujours ? Oui. Parfait. Donc, nos auditrices et nos auditeurs sont habitués. J'aime beaucoup poser cette question. Pourquoi avoir choisi cette pause musicale ? Est-ce qu'il y a une raison particulière ? Alors, aucune. Juste que j'aime beaucoup Dominique A. Et donc, c'est le premier qui m'est venu en tête quand vous m'avez demandé de choisir trois titres. C'est celui qui m'est venu comme une évidence. En plus, je trouvais ça... plutôt bien de parler du courage des oiseaux pour parler des bestioles et puis j'aime beaucoup cette chanson. D'accord, oui, mais c'est une jolie raison, même si elle n'a pas vraiment, c'est quand même une jolie raison, je trouve. Donc, on va reprendre cette émission quand c'était encore possible. Est-ce que vous organisiez ou est-ce que vous étiez invité? Vous l'avez dit un petit peu dit tout à l'heure, mais vous pouvez peut-être en reparler un peu plus. Donc, du coup, est-ce que vous organisiez ou est-ce que vous étiez invité à participer à des expositions? Oui, ben en fait, quand on est plasticien, enfin quand on a un métier dans le domaine artistique, ben, le regard du public, c'est vraiment important, et l'échange aussi, ça nous permet d'avancer dans notre travail, et puis on le fait pas que pour nous, on le fait aussi pour le montrer, et pour qu'il vive dans les yeux des personnes qui le regardent. Donc, ben, une exposition, ça reste le moment très important. Donc c'est vrai qu'en ce moment, c'est compliqué. J'ai eu de la chance, je suis passée un peu entre les gouttes parce que mon expo est tombée entre deux confinements l'année dernière, donc elle a pu avoir lieu dans des, avec en respectant les gestes barrières et tout, mais voilà. Donc j'espère pouvoir continuer à passer entre les gouttes cette année et que je puisse faire une exposition, parce que c'est vrai que ça reste le moment important. C'est tout ce qu'on vous souhaite. Hein. C'est vrai que quand on est dans le milieu artistique, que ce soit en faisant des créations ou même dans le milieu de l'écriture, enfin de la chanson, etc., c'est très important d'être entouré donc des visiteurs, des spectateurs, parce que sans eux, parce que moi je parle en connaissance de cause, parce que je suis un petit peu aussi dans le milieu artistique, plutôt du côté de l'écriture. Donc c'est vrai que sans les clients, on n'est plus rien presque. Oui, c'est sûr que. Enfin voilà, on ne fait pas ce travail-là que pour soi, et il peut exister que parce qu'il y a des personnes qui le regardent, qui l'apprécient et puis qui le font vivre. Oui. Bien sûr. Donc vous l'aviez dit tout à l'heure, mais on va en reparler, pour vos créations, donc je crois savoir que vous inventez du coup des animaux et des personnages, comme vous l'avez dit, parfois ça devient des mutants, donc on peut en citer quelques-unes, le Festifessa ou encore la Cifrelle, et on peut même citer le Nananer. Donc qu'est-ce que c'est que ces trois bestioles? Alors ceux-là, c'était des bestiolettres. Alors comme je vous le disais tout à l'heure, en fait mes expositions sont par thématique. D'accord. Et donc les bestioles que vous venez de citer, c'était sur une exposition qui s'appelait l'abécédaire des bestioles choisies. Mm-hmm. Où là j'avais imaginé toutes sortes de bestioles sous forme de lettres, de bestiolettres. Et elles avaient un nom en référence à la lettre qui les composait. Et il y avait un livre en parallèle où je racontais l'histoire de chaque lettre. Donc le nananer, c'était le N. La cifrelle, c'était le S, qui était une princesse cifrelle, etc. D'accord. Mais donc justement, c'est vous qui avez inventé du coup ces créatures, ces bestioles? Oui. Mmh. Non, mais d'accord, c'est ce que je mets en me renseignant, justement. Donc j'avais vu, oui, en effet, la cifrelle, donc une princesse, ou encore, je ne sais plus si c'est le Festifessa ou le Nananer, qui est un oiseau à grand bec. Voilà. Etc., du coup. Et donc, justement, pour trouver des noms, vous utilisez ce qu'on appelle des abécédaires. Alors non, pas forcément. Là, c'était vraiment cette exposition qui était en lien avec l'idée de l'abécédaire et le livre qui en découlait, mais en général, elles ont pas toujours des noms, les petites bêtes n'en ont pas forcément. Quand j'en fais des plus grandes, oui, elles ont des prénoms, mais c'est souvent des prénoms humains, à vrai dire, pas forcément, ça dépend. Ça dépend vraiment de la thématique et de l'exposition du moment. D'accord. D'accord. Mais justement, pour créer une seule bestiole, je suppose que le temps de création varie. Mmh. Donc, combien en moyenne ça vous prend, par exemple, pour créer une petite bestiole et pour en créer une plus grande? Alors, c'est toujours difficile de définir le temps passé, parce que déjà, j'en travaille rarement une seule à la fois, sauf quand je fais des commandes. Mais quand je prépare une de mes expositions, comme c'est sur une thématique, j'en crée toujours, on va dire par exemple, 10 petites en même temps, ce qui permet, comme il y a beaucoup de temps de séchage, de réduire ce temps de séchage en travaillant sur autre chose. On va dire que pour une petite bête, il y a plein d'étapes, enfin qui sont les mêmes pour une grande d'ailleurs. Il y a déjà le dessin, l'imaginer. Donc ça, forcément, on ne peut pas le quantifier, parce que autant ça peut venir très vite et on peut être très inspiré, autant ça peut être le fruit de beaucoup de recherches avant de trouver ce qui nous fait plaisir, ce qu'on a envie de travailler. Mm-hmm. Donc une fois qu'on a trouvé, après, on la dessine. Après, je fais une structure, une sorte de squelette en carton que j'invente et qui va me permettre de venir mettre mon papier mâché. Donc après, je fais le papier mâché sur cette structure. Donc je viens le poser, le lisser, et là il y a entre 3, 4, 5 couches, ça dépend. Donc il y a du séchage entre chaque couche. Après, il y a une couche d'après qui permettra de venir poser la peinture. La peinture se fait en plusieurs étapes également. Il y a une sous-couche de couleur, la couleur de base, puis après tous les détails qui viennent s'ajouter. Et encore ensuite le vernis. Donc ça fait plein de petites étapes. Donc pour une petite bête, il faut compter, si on ajoute toutes ces étapes les unes au bout des autres, je dirais à peu près 3 heures. Et pour une plus grosse bête, ça peut aller passer à 20 heures, 40 heures, 60 heures. Ça dépend vraiment de la complexité de la bestiole. Et puis ça dépend aussi, ça m'arrive d'en faire des tout à fait réalistes. Donc plus la bête est réaliste, plus elle est dans le détail, plus ça prend du temps aussi. Bien sûr. Donc justement, dans ces bestioles réalistes, est-ce qu'il y en a une que vous aviez préféré fabriquer plutôt que les autres ? Alors, j'ai pas vraiment de préférence. Après, quand je suis en train d'en réaliser une, je me fais plaisir aussi, donc j'apprécie la faire. Après, j'ai des bons souvenirs. Par exemple, j'ai fait sur l'Expo WAF, j'ai fait des trophées de tête de chien, et j'en ai fait beaucoup pour des personnes qui voulaient leur chien. Et c'est vrai que ça me faisait plaisir quand elles étaient terminées, que je recevais les photos. Souvent, les gens prenaient et la bestiole que j'avais faite et leur chien côte à côte, et quand je voyais qu'ils étaient très similaires, et quand ils me donnaient les réactions, que le chien avait aboyé, ou que je trouvais ça très rigolo. Donc c'est pas vraiment des bestioles préférées, c'est plus des souvenirs par rapport à ce qu'on m'a rapporté quand elles sont arrivées chez leur propriétaire finalement. D'accord, donc oui, donc vous faites même des... Par exemple, si on vous demande de créer notre chien, vous pouvez le faire sans problème à partir d'une photo. Oui, je fais pas mal de bêtes réalistes pour des personnes qui souhaitent les avoir chez elles. Alors sur un côté décalé, humoristique, j'en fais régulièrement. D'accord, ok. Donc vous faites également ce que vous appelez les voyelles sous cloche ou encore les cadres prénoms. Donc cela veut-il dire que vous ne faites pas que des bestioles ? Non, après oui, c'est toujours par thématique. Donc là encore, hein, les cadres prénoms, les voyelles, c'était en lien avec l'exposition sur l'alphabet. Et après, donc je travaille sur une thématique à l'année, mais je travaille aussi sur commande. Donc c'est vrai que si on me demande par exemple une salamandre ou je ne sais quelle autre chose, ou une fleur, je peux le faire sur commande. Donc oui, c'est très varié et assez vaste. D'accord. Et quand vous parlez justement, on va dire par exemple de voyelles sous cloche, qu'est-ce que sera la création qu'on aura devant les yeux ? Alors pour celle-ci, il n'y en avait pas beaucoup, il y en avait comme le nombre de voyelles en fait. Et j'avais imaginé des bestiolettres, mais très pas agressives, mais un petit peu quand même sauvages, en tout cas suffisamment sauvages pour qu'on ait envie de les enfermer sous une cloche pour pas qu'elles viennent nous enquiquiner. Et du coup c'était des bestioles soit qui criaient, soit qui gesticulaient, elles étaient sous cloche pour les tranquilliser un peu, puis pour que nous aussi on soit plus tranquilles d'esprit. Voilà ce que c'était les voyelles sous cloche. D'accord. Et quand vous dites les cadres prénoms, donc je suppose que comme son nom l'indique, c'est un cadre avec le prénom de l'enfant écrit, enfin, représenté dessus. Voilà, oui, c'est ça. D'accord, ok. Donc pour une expo, justement, datant de septembre 2018, vous avez réalisé 6 abécédaires de 26 lettres, donc soit 156 bestioles. Donc combien de temps cela vous a-t-il pris pour réaliser tout ça ? Et qu'est-ce qu'on retrouve dans ces abécédaires ? C'est 156 bestioles, je suppose. Pour le temps, honnêtement, je n'en ai pas la moindre idée. D'accord. Je ne calcule pas du tout le temps que j'y passe. Après, en général, une exposition, c'est au minimum 3 mois de préparation. Et quand je dis 3 mois, c'est 3 mois assez actifs à l'atelier. J'ai réfléchi pendant quasi un an, et puis j'y travaillais pas forcément de suite, mais je mûris un petit peu la réflexion. Et quelques mois avant l'exposition, je m'y mets, mais pour le coup très activement, en faisant des fois des grosses journées jusqu'à 22 heures. Donc voilà, c'est beaucoup de temps d'atelier. Après, il y avait 6 alphabets différents pour qu'il y ait le choix et pour qu'il y ait plein de bestioles différentes et pour montrer aussi la diversité qu'il pouvait y avoir dans la manière d'écrire par exemple la lettre A et d'inventer 6 A différents qui soient aussi rigolos les uns que les autres. D'accord. Donc justement, nous l'avons dit jusqu'à présent, mais concernant la matière de vos bestioles, donc c'est du papier mâché. Mm-hmm. Donc est-ce que vous achetez directement le papier mâché, ou est-ce que vous achetez du papier, disons, normal pour ensuite le transformer en papier mâché ? Alors, ni l'un ni l'autre, en fait, ça s'achète pas nécessairement. Le papier, ça peut se récupérer, et ça se récupère les 3/4 du temps. En fait, il faut un papier qui soit relativement fin. D'accord. Et puis pas forcément un papier de bonne qualité, un papier glacé ou autre. Donc un papier journal, c'est tout à fait suffisant et même très adapté pour faire du papier mâché. Donc voilà, j'achète pas de journaux, j'en récupère chez les personnes qui sont abonnées et qui me laissent les journaux qui sont passés. Et puis aussi, ça m'arrive de récupérer des bobines de papier journal vierge dans des papeteries, soit des bobines qui sont en partie utilisées, enfin des choses voilà, qui donnent facilement. Et donc non, ça s'achète pas tout fait, peu importe la technique, j'imagine, mais ça peut être soit de la pâte à papier, moi je n'en fais pas, mais auquel cas faut mélanger du papier avec de la colle, et enfin en général les gens le font eux-mêmes, peu importe la technique. D'accord. Donc il me semble également, et vous l'avez dit, que certaines de vos illustrations, voire presque toutes, sont en lien avec les fables de La Fontaine. Oh, alors non. En fait, j'ai fait un livre qui s'appelait Fables, parce que j'aime beaucoup les fables de La Fontaine, et ça reste un texte alors qui est assez ancien, hein, mais qui est toujours d'actualité de par les thèmes traités, et puis aussi les enfants continuent à apprendre les plus connus à l'école, donc ils parlent à tout le monde, donc c'est intéressant de l'illustrer, et puis c'est agréable à illustrer, parce que d'autant plus pour quelqu'un qui aime dessiner les animaux. Mais c'est une de mes illustrations parmi tant d'autres, en fait. J'ai fait un livre de fables, et j'en referai très certainement un, parce que des fables de La Fontaine, il y en a plus de 200, donc il y a source à dessiner. Mais je fais également plein d'autres illustrations, plein d'autres textes illustrés, et j'écris mes textes moi-même aussi pour la plupart de mes livres. D'accord. Ok. Donc avant de poursuivre, il est 14h28, je vous propose de nous lancer dans une nouvelle fréquence que vous avez choisie également et que nous écoutions une chanson datant de 2007 du groupe franco-américain Moriarty, chanson intitulée Jimmy et tirée du premier album studio de Moriarty, album intitulé Gee Whiz But This Is A Lonesome Town. Voilà, mon accent anglais est toujours présent, absolument pas. Donc on s'écoute ça et on se retrouve juste après cette chanson de Moriarty. Please come home, the grass is green and the buffaloes roam. Come see Jimmy, your Uncle Jim, and your Auntie Jim, and your Cousin Jim. Come home, Jimmy, 'cause you need a bath, and your Grandpa Jimmy is still gonna die. Jimmy forgot your yarn. words to say. Be proud of your name. The buffaloes used to say, be what you are. The buffaloes used to say, vous êtes de retour sur Radio Gemozo. Vous êtes toujours en direct, il est 14h32. Vous nous écoutez sur le 107FM localement ou sur nos applications Radio Line ou Orange Radio, partout en France. Vous venez d'écouter le groupe Moriarty avec leur morceau Jimmy. Nous sommes toujours en compagnie au téléphone de Delphine Aubry qui est là pour nous parler de ses créations en papier mâché et de ses illustrations. Est-ce que vous passez un bon moment en notre compagnie, Delphine ? Ben oui, tout à fait. Parfait. D'ailleurs, j'ai une petite anecdote sur cette chanson, justement, donc de Jimmy de Moriarty. Cette chanson, donc, c'est grâce à cette chanson que le groupe s'est fait connaître. Donc, la voix féminine que vous entendez, c'est celle de Rosemary Stanley. Et du coup, c'est grâce à la chanson Jimmy que le groupe Moriarty s'est fait connaître. Donc, même question que pour la précédente fréquence. Pourquoi avoir choisi cette chanson de Moriarty ? Alors, pareil. C'est parce que c'est un groupe que j'aime bien, que j'ai déjà vu plusieurs fois en concert et j'apprécie beaucoup la voix de la chanteuse. Et quand je travaille à mon atelier, je le fais régulièrement en musique et ça fait partie des CD que j'écoute assez souvent. Et en particulier celle-ci que j'aime bien chanter en faisant mes bestioles. Voilà. D'accord. Oui, donc c'est justement, est-ce que cette musique, elle vous inspire ou est-ce que c'est juste pour avoir un fond sonore ? En général, c'est plus pour avoir un fond sonore. Après, je pense qu'on est toujours inspiré par ce qu'on écoute, par ce qu'on voit, mais on ne le sait pas nécessairement. Ça se retranscrit dans notre travail, mais pas forcément d'une façon évidente et visible à chaque fois. D'accord. Donc, vous l'avez dit, vous travaillez donc dans un atelier. Donc, est-ce que, donc, je suppose que c'est un atelier qui est donc éloigné de chez vous ? Non, alors j'ai beaucoup de chance, en fait j'habite à la campagne, ce qui me permet d'avoir une maison et du coup de consacrer une partie de mon habitation à mon atelier et du coup de pouvoir tout laisser en plan et faire mon travail, l'arrêter, le reprendre à n'importe quelle heure, quand bon me semble. Et c'est du coup c'est très confortable, c'est vraiment un luxe de pouvoir avoir son atelier chez soi. D'accord. Donc, justement, vous ne pratiquez pas de métier à côté, vous vivez grâce à vos bestioles ? Non plus. Ah. En fait, rares sont les artistes, artisans, plasticiens qui vivent uniquement de leur création. Il y en a, hein, mais il n'y en a pas forcément beaucoup. En tout cas, moi, j'en connais pas beaucoup. Et du coup, en règle générale, soit ils ont un travail à côté, soit ils font des choses, des interventions dans les écoles, des ateliers qui permettent d'avoir des rémunérations au cours de l'année, parce que sinon l'activité artistique en elle-même est un petit peu trop en dents de scie pour pouvoir permettre d'en vivre correctement. Donc à côté, j'ai un travail salarié à temps partiel. D'accord. Dans une structure culturelle, donc ça reste toujours dans le domaine culturel, c'est ça qui est plutôt agréable, mais ça me permet d'avoir un revenu et peut-être plus de liberté dans mon travail artistique, dans le sens où j'ai pas d'obligation de vendre, de gagner super bien ma vie avec, et ça me laisse beaucoup de liberté quant à mes choix, quant à mes expos, etc. D'accord. Donc, on va reparler du coup de vos créations. À travers vos créations, est-ce que vous avez l'envie de, on va dire, raconter une histoire ? Oui, il y a toujours. En fait, moi, à la base, je suis illustratrice et auteur. Et donc, mon métier, c'est raconter des histoires par le biais d'images ou par le biais de textes. Donc, c'est pareil pour mes bestioles, en fait. c'est toujours raconter une histoire et surtout, moi, ce que j'aime apporter, c'est un moment de bonne humeur. Après, les gens s'imaginent l'histoire qu'ils veulent, mais je mets en place un espèce d'univers qui est plutôt enjoué, plein de gaieté et qui est une petite parenthèse un petit peu enchantée où chaque personne va pouvoir venir respirer un petit peu, se couper du quotidien qui est pas toujours marrant. Et voilà quoi, mon histoire c'est ça, c'est venir un petit peu s'oxygéner et se faire du bien et après imaginer l'histoire des bestioles et après chacun fait un petit peu ce qu'il veut et des fois c'est rigolo quand on me raconte ce qu'on a imaginé pour telle et telle bestiole, enfin voilà, c'est ça l'histoire en gros. D'accord, donc oui, vous donnez, c'est pour donner par exemple une comparaison littéraire, vous donnez le stylo et après vous laissez les spectateurs écrire leur propre histoire avec vos bestioles. Voilà, oui, c'est un peu ça. D'accord. D'ailleurs, est-ce que vous pouvez, on va dire, vous pouvez faire n'importe quoi à vos créations, si on peut dire ça comme ça. Donc, est-ce que c'était ça aussi, cette liberté qui vous a encouragé à faire toutes ces créations ? Oui, c'est en fait, je pense que quand on fait un travail artistique, c'est aussi pour s'exprimer, donc pour pouvoir dire, imaginer, penser tout ce dont on a envie et du coup, oui, il faut une vraie liberté, sinon si on se restreint dans le domaine artistique, ça devient triste. Donc il faut pouvoir faire tout ce dont on a envie, oui, vraiment. D'accord, ça paraît, comme vous le dites, c'est vrai que ça paraît plutôt logique. Donc, en faisant mes recherches, en préparant cette émission, j'espère que cette fois j'ai fait des bonnes recherches, je me suis bien renseigné, j'ai vu que dans votre ouvrage, vous faites en sorte que, dans vos ouvrages, vous faites en sorte que, grâce au parcours, on puisse passer d'un univers à l'autre, d'une histoire à l'autre. Oui, après le fil conducteur, ça reste toujours cet univers-là, mon univers, donc... Je pense que quelqu'un qui a aimé un de mes textes ou une de mes illustrations il y a 20 ans, il retrouvera quelque chose maintenant. Et il y a une sorte de continuité, oui. D'accord. Et pour faire ça, pour faire des bestioles en papier mâché, etc., j'imagine qu'il faut toujours faire en sorte de maintenir la passion. Oui, c'est sûr que c'est pas un travail, il n'y a pas d'horaire, il n'y a pas de contraintes, il n'y a pas d'obligation à le faire. Donc si on n'est pas passionné, si on n'a pas l'envie de le faire, à un moment, on le fait plus. Et oui, il faut toujours être dans l'envie de faire et puis être dans le plaisir de faire. Ça, c'est obligatoire. Mais alors justement, comment faites-vous pour maintenir cette passion, cette envie, ce désir de le faire? Est-ce que c'est ce renouvellement incessant qui vous fait maintenir la passion ou est-ce que vous utilisez, je ne sais pas, un autre moyen? Non, c'est déjà une façon de m'exprimer et c'est un besoin finalement de dessin. Tout ça, c'est un besoin, comme quelqu'un qui chante aura besoin de chanter. Et c'est presque vital. Donc c'est difficile. Enfin, moi je conçois pas, même quand je serai plus en âge de travailler, en tout cas d'avoir un travail salarié, je conçois pas arrêter mon activité des bestioles, c'est-à-dire je conçois pas d'arrêter de dessiner ou de peindre, parce que ça j'en ai besoin au quotidien. Et oui, l'envie en fait elle se maintient parce que tout se renouvelle à chaque fois. Je fais pas, alors je travaille sur commande, on peut me demander des choses que j'ai déjà faites, mais quand je crée une nouvelle expo, elle est nouvelle de A à Z. Je repars pas sur des choses que j'ai faites avant, je recrée complètement toutes sortes de bestioles pour cette exposition là. Si je devais refaire systématiquement toujours les mêmes, je m'ennuierais. Et en fait, l'intérêt, c'est de toujours proposer quelque chose de nouveau. Donc, quand vous fabriquez ces bestioles, donc de A à Z, ces nouvelles bestioles, est-ce que vous n'avez pas peur, entre guillemets, qu'il y ait le risque que la bestiole que vous êtes en train de créer ressemble déjà à une autre qui est déjà présente dans une autre exposition ? Alors, elles se ressemblent toujours plus ou moins, puisque en fait, ce sont les miennes. Donc, forcément... même si elles sont différentes, une personne qui a déjà vu mon travail reconnaîtra nécessairement que c'est moi qui l'ai faite, parce qu'il y a des choses qui sont toujours similaires. Par exemple, elles ont toujours des gros yeux assez globuleux, un regard très, très particulier, et ça c'est la signature, c'est l'identité de mon travail, cette espèce de regard qu'elles ont sur le monde qui les entoure. Mais après, alors heureusement, il y a des choses qui se ressemblent et qui font que oui, c'est une signature. Et puis, elles sont quand même différentes malgré tout. D'accord. Et donc, ma prochaine question, elle tombe sous le sens. Mais bon, je vais quand même vous la poser. J'imagine que pour faire toutes ces créations, il faut être une véritable passionnée, ce que vous êtes, car ça s'entend quand vous en parlez. Donc, je suppose que pour faire ça, il faut carrément aimer ces créations. Alors aimer ses créations, je sais pas, mais en tout cas aimer échanger et aimer avoir envie de partager, oui. D'accord. C'est sûr. Donc justement une autre part de votre métier, on va dire, c'est de proposer également des stages, des formations et des ateliers à l'intention des plus jeunes comme des moins jeunes d'ailleurs. Mm-hmm. Est-ce que vous en avez, enfin, je suppose que pour l'instant c'est un peu compliqué avec le contexte sanitaire, mais est-ce que vous en proposiez beaucoup avant qu'on tombe dans cette crise sanitaire? Oui, alors en fait, je fais deux types d'ateliers. J'interviens, par exemple, dans des écoles, collèges, lycées, quand l'enseignant ou quand on me le demande. Et puis, je fais également des ateliers chez moi. D'accord. Là, c'est les personnes qui viennent à mon atelier, donc c'est des stages où on est assez limité parce qu'il n'est pas, très grand. Donc là, pour le coup, c'est 4-5 personnes maximum. Mais il y a un côté très intimiste et, qui est sympa parce qu'on peut prendre le temps vraiment d'échanger. Et oui, j'en propose régulièrement. Il y en avait d'ailleurs qui étaient prévus aux vacances de février comme aux vacances de Pâques et qui ont été annulés parce que actuellement, voilà, on ne peut pas proposer ce genre de choses. Mais oui, j'en propose toute l'année. Et donc en proposant ces stages, je suppose qu'il y a une véritable envie derrière tout ça, pas de passer le flambeau, mais de communiquer votre savoir et votre expertise. Oui, de montrer, et puis aussi, oui, de montrer en fait, parce que bon, les enfants sont moins inhibés, mais les adultes, par exemple, vont venir en me disant « je ne sais pas faire » ou « c'est difficile » ou « je suis sûre que je n'arriverai pas à le faire, c'est trop court ». Et en fait, en peu de temps, ils se rendent compte qu'en se lâchant complètement, oui, en ayant un lâcher prise, eh ben, on arrive à faire plein de choses et ils s'étonnent eux-mêmes. Et c'est ça qui est sympa, c'est de voir leur sourire et de les voir repartir avec des bestioles qu'ils n'auraient absolument pas imaginé pouvoir créer. Et puis retrouver un petit peu leur âme d'enfant en faisant des choses complètement loufoques qu'ils ne font pas du tout dans leur quotidien. Donc ça, c'est rigolo. Et donc, à l'issue de ces stages, est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir des retours d'enseignants stagiaires, on va dire, en vous disant, par exemple, j'ai beaucoup aimé cet atelier, je me suis découvert une passion, etc. Alors, pas vraiment, parce qu'en fait, autant ils sont tout à fait enchantés de le faire quand ils sont à l'atelier, mais souvent ils prennent ce temps-là pour venir. Mais après, ils n'arrivent plus à le trouver au quotidien. Et il faut vraiment, se dégager du temps pour pouvoir faire ce genre de choses. Et c'est pas facile de le faire tous les jours quand c'est pas son métier ou quand on est vite happé par des obligations au quotidien qui nous permettent plus de le faire. Donc non, c'est assez rare. C'est aussi pour ça qu'ils aiment bien venir sur ce type de stage, parce que ça leur fait vraiment une parenthèse qui leur est réservée qu'à eux et à leur expression. D'accord. Et en général, ces stages, c'est des stages qui durent toute la journée, qui durent, on va dire, quelques heures ou une partie de la journée? En général, ça dure, c'est sur des demi-journées qui sont espacées de quelques jours chacune, parce que, comme je vous le disais, il y a un temps de séchage qu'on peut pas, on peut pas y échapper. Il y a au moins 2 jours de séchage entre le papier mâché et le moment où on va mettre la peinture. Donc, en général, c'est un après-midi, au mieux tous les 2 jours, ou des fois espacé d'une semaine. Enfin, ça dépend de la demande, du temps possible, etc. D'accord. Et un stagiaire, on va dire, qui vient une demi-journée pour commencer, par exemple, à fabriquer une bestiole ou voilà. Et si, on va dire, 2 jours plus tard, il ne peut pas revenir pour continuer sa création, qu'est-ce que vous en faites de ce début de création? oh ben je le conserve jusqu'à temps qu'il puisse trouver le temps de revenir, ou alors si toutefois il peut absolument pas revenir, je lui restitue. Après, voilà, ça lui appartient. D'accord, ok. Donc il est 14h46, avant de poursuivre à nouveau, je vous propose que nous nous lancions dans une troisième fréquence que vous avez choisie toujours, et que nous écoutions une chanson plutôt connue, la chanson Itsy Bitsy Petit Bikini de la célèbre chanteuse Dalida, chanson sortie en 1961 et tirée de l'album Garde-moi la dernière danse, sorti le 1er janvier 1961, et ce titre est le titre numéro 7 de cet album. Voilà, pour les références, c'est fait. Donc maintenant, on écoute Dalida et le titre Itsy Bitsy Petit Bikini, et on se retrouve juste après, d'ici un peu plus de 2 minutes. Sur une plage, il y avait une belle fille qui avait peur d'aller prendre son bain. Elle craignait de quitter sa cabine. Elle tremblait de montrer au voisin. 1, 2, 3, elle tremblait de montrer quoi? Son petit Itsy Bitsy Bikini. Voilà ce qui arriva. Elle ne songeait qu'à quitter sa cabine. Elle s'enroula dans son peignoir de bain, car elle craignait de choquer ses voisines et même aussi de gêner ses voisins. 1, 2, 3, elle craignait de montrer quoi? Son petit bikini. Savez-vous ce qui arriva? Elle doit maintenant s'élancer hors de l'onde. Elle craint toujours les regards indiscrets. C'est le moment de faire voir à tout le monde ce qui la trouble et qui la fait trembler. 1, 2, 3, elle a peur de montrer quoi? Son petit. Dalida et son morceau Itsy Bitsy sur Itsy Bitsy Petit Bikini, il ne faut pas oublier, sur Radio Guémozo. Vous êtes de retour et vous nous écoutez toujours sur le 107 FM localement ou sur nos applications Radio Line et Orange Radio partout en France à 14h49. Donc nous sommes toujours en compagnie, bien sûr, comme depuis 50 minutes maintenant, au téléphone de Delphine Aubry, qui est là pour nous parler de ses créations en papier mâché et de ses illustrations. Tout est toujours bon pour vous? Mais oui. Parfait. Donc justement, vous êtes habitué désormais. Pourquoi avoir choisi cette chanson de Dalida? Est-ce que c'est juste, comme les deux précédentes, une chanson que vous aimez bien? Ou est-ce qu'il y a derrière tout ça une petite raison pour laquelle vous avez choisi cette chanson? Alors, bah déjà, je l'aime bien, ça c'est sûr. Bien sûr. Et en plus, c'est un petit clin d'œil à ma première exposition et à mon premier livre qui s'appelait Bikini, et qui était cette histoire d'une cochonne en maillot de bain. Et du coup, voilà, c'était ce petit clin d'œil-là, et c'était cette chanson-là, parce que souvent, quand je fais une exposition, elle est accompagnée d'une bande sonore qui amène un petit côté rigolo à l'expo, et elle passait en boucle assez régulièrement. Quand les gens entraient dans la galerie, pof, elle se mettait en route. Et donc, voilà, c'est un petit clin d'œil à cette toute première exposition. D'accord. Et en plus, cette chanson, je trouve qu'elle met la pêche, même si elle date de 1961, elle met de bonne humeur. Ah oui, oui, ben, je trouve qu'elle collait très bien, justement, à l'esprit un petit peu de ce que je fais, ouais. D'accord. Donc nous allons de nouveau poursuivre pendant encore un peu moins de 10 minutes. On va reparler un petit peu, si vous êtes d'accord, des fables, donc de l'ouvrage Les Fables que vous avez illustré. Mm-hmm. Donc, dans cet ouvrage, est-ce que vous aviez choisi les fables à illustrer en fonction du message que les fables en question veulent faire passer ou dénoncent, ou est-ce que c'est pour une toute autre raison? Alors, il y avait plein de choses qui avaient fait que j'avais choisi telle ou telle fable. Bon, déjà, j'avais retenu celle qui était quand même assez connue, parce que je me disais que c'était bien que les gens puissent les retrouver, et puis que les enfants qui les apprennent à l'école puissent les retrouver aussi. Donc celle-là, c'était sûr que, par exemple, le corbeau et le renard, la cigale et la fourmi, le lièvre et la tortue, elles en faisaient partie, puisque c'est le répertoire habituel. Après, pour les autres, parce qu'il y en a qui sont dans le livre et qui sont absolument pas connus, il y avait différentes choses qui faisaient que je les choisissais. Déjà, fallait pas qu'elles soient trop longues au niveau du texte et qu'elles soient faciles à comprendre, parce que ça s'adresse autant aux enfants qu'aux adultes, et il y en a des très très longues et des très complexes. Donc celles-là, je les éliminais. Après, il fallait aussi que le message qu'elles transmettaient il soit toujours d'actualité, en tout cas que moi je le trouve toujours d'actualité et que je le trouve intéressant. Donc oui, il y en a que j'ai choisi vraiment pour leur message. Par exemple, le chameau et les bâtons flottants, c'est un texte sur la différence, sur l'appréhension qu'on a de l'autre et aussi la peur de l'inconnu. Et pour le coup, je la trouvais vraiment d'actualité. Et le texte n'a pas pris une ride. Donc voilà, il y avait différentes choses qui faisaient qu'elle se retrouvait dans le livre, oui. D'accord. Donc nous l'avons dit un petit peu plus tôt, et même tout au long de cette émission, il vous arrive même donc, du coup, d'exposer vos créations. Et du coup, vu qu'on vient d'écouter Dalida, ça tombe bien. Mais vous souvenez-vous de l'année à laquelle vous avez exposé vos bestioles pour la toute première fois ? Ça devait être en 99 ou en 2000, il y a un peu plus d'une vingtaine d'années, oui. D'accord, et vous vous souvenez où c'était, dans quel contexte ? Oui, alors en général, j'expose, alors pas que là, hein, mais en tout cas, j'essaye d'exposer tous les ans à la galerie du Bailly à Épinal. D'accord, ok. Donc nous arrivons du coup bientôt à la fin de cette émission, il va être bientôt 14h54. Si nous voulons vous retrouver et retrouver vos bestioles et toutes vos différentes créations, comment pouvons-nous faire ? Donc j'ai un site internet qui s'appelle Delphine Aubry, donc ça c'est assez facile à trouver. Et aussi, alors sur le site, je le mets à jour régulièrement, mais pas quotidiennement. C'est plus classé par expo, par thématique. Mais par contre, si on veut suivre au quotidien mon travail, j'ai une page Facebook qui s'appelle Les Bestioles de Delphine Aubry. Et là, en fait, au fur et à mesure que je crée quelque chose, je mets des photos. Et je mets même des photos des différentes étapes de la création, de la structure, du début du papier mâché, etc. Donc ça permet aux personnes qui me suivent de voir un petit peu la bestiole de A à Z, quoi, du tout début jusqu'à ce qu'elle soit terminée. D'accord, et donc du coup je suppose que c'est aussi un moyen de toujours susciter sans cesse l'intérêt du spectateur. Aussi, oui, puis de voir si la bête en question plaît ou pas du tout. Ça donne un petit indicateur. D'accord, oui. Oui, toujours susciter, du coup, intégrer le spectateur dans la création afin qu'il. Comme on le disait, qui la passion reste toujours suscitée. J'ai un peu de mal à parler en cette fin d'émission, excusez-moi, mais. Donc, les liens de votre site internet et de votre page Facebook, je le mettrai en lien avec ce podcast dans la journée de demain, afin de pouvoir vous retrouver facilement. Comme ça, si un auditeur ou une auditrice veut vous retrouver, il va sur le podcast, il clique sur le lien, il atterrit directement sur votre site ou sur votre page Facebook. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite ? Alors ça, je pense qu'on peut le souhaiter à moi, mais le souhaiter vraiment à tout le monde, c'est qu'on sorte de cette pandémie, qu'on puisse enlever les masques, qu'on puisse refaire des expos, des événements culturels, retourner au ciné, retourner au resto, revoir des spectacles, revivre normalement. Et puis voilà, quoi, revoir de la culture et du spectacle vivant, parce que c'est vrai que ça, c'est ce qui manque cruellement en ce moment, je pense. Et puis voilà, plus vivre dans cette espèce de crainte de tomber malade et du coup reprendre une vie normale. Et puis la vie normale, pour moi, ce sera faire des expos, pouvoir faire des stages, rencontrer des gens et voilà. Et je me permets de compléter pour nous aussi à la radio, de nous permettre de recevoir à nouveau nos invités dans les studios, parce que par téléphone c'est bien, mais c'est toujours peut-être moins naturel. Heureusement, il y a une distance, un diamètre de 10 km à vol d'oiseau, donc voilà. Mais genre, si on habite plus loin, c'est plus compliqué de enfin c'est pas plus compliqué, mais c'est moins naturel de le faire par téléphone qu'en face à face. Donc justement à 14h56, est-ce que vous avez un dernier mot? Non. Okay. J'étais contente de participer à l'émission et puis de faire découvrir mon travail. J'ai été content de vous recevoir et je suis sûr que nos auditeurs et nos auditrices ont été contents de vous écouter également. Donc c'est ainsi que se termine cette édition de Fréquence Libre. Je remercie une nouvelle fois Delphine Aubry d'avoir accepté mon invitation. D'ailleurs, ne quittez pas, je vous récupère au téléphone juste après hors antenne. Cette émission sera rediffusée demain, mardi à 18h, avec le podcast de cette émission, posté demain sur notre page Facebook dans la journée. Bien sûr, comme d'habitude, vous pouvez réagir à cette émission sur notre page Facebook Radio Guimauzo ou en nous appelant au 03 29 62 40 40. Quant à nous, nous nous retrouvons demain à 14h, toujours en direct, pour une nouvelle édition de Fréquence Libre, dans laquelle je recevrai par téléphone une autre Delphine, mais du groupe de musique The Red Folks, cette fois-ci, qui nous parlera de sa carrière et de son groupe The Red Folks. Voilà, logique. Donc, en attendant, je vous laisse avec Gérard et salue les 60 dans quelques minutes à 15h, et où il nous parlera de l'année 1961. Donc, merci de votre fidélité à Radio Guimauzo et moi, je vous dis à demain. Donc, salut et à demain.